On arrive aux 20% sans. On arrive aux 20% sans. Je suis 1% gros son t'entends. Je fais un arrêt, tu crois que t'attends. Mais depuis longtemps, avec les boîtes, on a plus le temps, on doit faire de l'argent. La parole est d'or et les accents de diamant. On vise le platine, attends que ça monte juste en pourcentage. À ton grand âge, t'es pas content si t'as perdu. On a vaincu, tu peux poser ton arme. Arrête de faire le détu. S'il y a problème sur le plan mieux, tu mangeras pas que t'es pas le tonton Huck. C'est Vlad de Mike. C'est Vlad de Mike. Hein. Augmente le son, vous comprendrez vraiment qui est le patron. Ton équipe a fait le malin. Une heure après, toi, tu fais le tapin. En cavalcade, on déboulé, direct vous allez cavaler. Madame voulait un cavalier, c'est mon épée qu'elle va goûter. Hein. Faut que je me calme, je crois. Ok. Le pressing coûte cher, sans cool. Numéro 1, t'as vu, j'ai fait dégoûter. Essaye pas de tester, tu vas rester choqué.